Zone Mag vous est présenté par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans. Bonjour tout le monde, ici Steve Lévesque et Karine Hudon pour une nouvelle édition de Zone Mag. Ça va bien, Karine? Oui, et toi, Steve? Oui, merci. Il va tout de suite avec les sorties musicales? Oui, on commence avec la formation country pop américaine Lady Antebellum qui sortent leur quatrième album Golden. Le groupe s'est formé en 2006 à Nashville. Il est composé de Hilary Scott, Charles Kelly et Dave Ewood. Déjà après la sortie du premier album, le groupe fait sensation et atteint beaucoup de popularité. En 2008, il gagne un prix pour meilleur nouveau duo ou groupe ainsi que meilleur nouvel artiste de l'année. Ensuite, le deuxième album sort en 2010, Need You Now, et sont grandement récompensés à différents galas, soit un Grammys pour la meilleure chanson country, aux Academy of Country Music, l'album de l'année avec Lady Antebellum, un American Country Award avec le groupe de l'année. Aujourd'hui, le 7 mai 2013, ils reviennent avec l'album Golden, qui risque encore une fois d'en satisfaire plus qu'un. Le premier album qui est sorti pour les fans qui ont précommandé l'album à l'avance sur iTunes et compagnie était Goodbye Town. Et pour le groupe, ça se trouve à être leur chanson favorite qu'ils ont fait. En voici quelques extraits. You are, but I want you just like lightning, shooting straight out of the sky. Come and strike me with your light, igniting, yeah, igniting. Gotta get to me, gotta get to me. You gotta spread your wings and start flying. Golden, precious as a prayer, flying up through the air while the rain is falling. Golden, timeless as a kiss, baby, I don't wanna... On avait aussi Rod Stewart qui sortait un Xème album en carrière. On l'est rendu à la carrière qu'on les compte plus, là. Il y en a énormément. C'est un album qui est sensiblement ce qu'on s'attend de Rod Stewart avec les, exactement. Il a pas perdu sa voix. C'est sa même voix rauque qu'on est habitué d'entendre. Donc on sera pas dépaysé là-dessus. C'est le même genre de ballade qu'on est habitué d'entendre avec même Rod bon Stewart. Son. C'est exact. Ben, en tout cas, moi de ce que je connaissais de Rod Stewart, c'était exactement la même chose. Donc j'ai pas été déçu de cet album-là. C'est des bonnes chansons. Puis il y en a quand même pour la peine, là. Il y en a c'est 12 et puis c'est quand même un très c'est bon c'est album. C'est longtemps, c'est quasiment 10 ans qu'il n'avait pas sorti d'album studio. Oui. Puis il a pas, c'est comme je dis, il a pas perdu de sa voix. C'est pas parce qu'il est rendu plus vieux qu'il aura plus la même voix. C'est exactement la même chose. Donc c'est un, pour les amateurs de Rod Stewart, là, c'est vraiment un album là, à écouter. Oui. En voici quelques extraits. When she's in my house, she makes me happy. Le groupe Straight No Chaser, qui est un regroupé de 10 personnes qui chantent a cappella, ils ont été formés à l'origine à l'Université d'Indiana par des étudiants qui ont participé à différents événements tels un marathon de danse de 36 heures et okay, ouais, ouais. Dans le même style. Ceci de 1996 à 99. Par la suite, une autre sélection d'étudiants ont été faits pour continuer la tradition du groupe, finalement. Et les membres originaux qui ont parti ce groupe-là ont réuni toutes les membres, dans le fond, okay. Autant de la première sélection que de la deuxième, pour pouvoir continuer à faire, mettons, à faire des chansons ou pouvoir se lancer dans ouais, une ouais. vraie carrière, mettons. Okay. Par la suite, ben le collège ont changé le nom de la formation. Fait comme ça, eux étaient vraiment uniques. Séparés, c'est ça, séparés des concours. Puis de... Exactement. Puis ils ont commencé à poster différentes chansons sur YouTube et compagnie. C'est là que Craig Coleman, le PDG de Atlantic Records, a pris contact avec le groupe pour voir s'ils étaient intéressés à enregistrer un album et par la suite... Le meilleur s'en vient, et ça l'enchaîne, puis leur carrière a été lancée. Under the Influence est un ramassis de chansons déjà commercialisées, puis qui ont été adaptées par le groupe et avec leur style musical. Oui. Donc, à la fois un peu jazz, un peu swing, tu vas avoir un peu de pop, funk et country. On ne peut s'empêcher de danser et de chanter sur leurs chansons. On retrouve des pièces telles que Alléluia de Leonard Cohen, I Won't Give Up de Jason Mraz, Rolling in the Deep d'Adele. Personnellement, j'avais jamais eu la chance d'écouter un album de ce groupe-là, puis je suis bien contente de l'avoir fait puis de les avoir découverts parce que depuis ce temps-là, je l'écoute tout le temps. En voici quelques extraits qui sauront peut-être vous convaincre aussi. I didn't want you around. Those pretty faces always make you stand out in a crowd. But starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. Like a fool, I went and stayed too long. Ba-dum. Now I'm wondering if your love's still strong. Ooh, baby, yeah. Here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. Yeah, mm-hmm. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ba-dum. Then that time I went and said, on avait aussi, dans la même lignée que celui que tu viens de nous parler, le groupe québécois Galant, tu perds ton temps, qui font aussi du a cappella. C'est quatre filles qui font du a cappella. C'est un album qui est... Certaines chansons vont nous faire penser un peu à mes aïeux. C'est vraiment beaucoup folklorique. Il y a certaines chansons aussi que c'est pas uniquement a cappella. Qu'il y a un certain beat de fond, soit de cuillère ou de... D'instruments, mais tu sais, juste léger, là. Tu sais, pas quelque chose de... C'est pas un orchestre qui est avec eux autres, là. C'est vraiment léger. J'ai aimé ces chansons-là, mais les chansons qui sont uniquement a cappella, je décrochais un peu sur ceux-là. Ça peut venir long, puis il y a... oui, il y a quand même 20 chansons, mais il y en a quelques-unes que c'est en bas d'une minute, là. C'est vraiment comme juste des petits intermèdes. C'est ambigu. Je vous dirais, si vous avez la chance, allez écouter des extraits sur Internet, sur iTunes, sur... Où l'album est disponible. Mais ouais, c'est ça, t'sais, disponible un peu partout. Pour vous faire une idée si ça peut vous intéresser ou pas, avec les extraits qu'on va vous faire jouer aussi, vous allez pouvoir ça dépend vous aussi dans quel temps de l'année. Souvent, novembre, décembre, ben on va être fébrile au folklore. Fait que souvent, on va peut-être pas accrocher plus vite, mais on va être peut-être va plus être ouvert. Dans le mood, c'est ça. Exact. Ça va être dans... Fait que c'est probablement peut-être aussi un album qui va être à écouter une, deux fois par année, dans le temps de la Saint-Jean, dans le temps des fêtes, qui est plus propice justement à la musique folklorique. Sinon, c'est quand même, c'est comme je dis, j'ai aimé les chansons qui avaient un peu plus de musique en arrière-fond. Moi, personnellement, j'ai pas accroché avec les uniquement a cappella. Donc, on vous fait écouter quelques extraits, puis vous déciderez qu'est-ce que vous aimez. Venez jeunes gens, écoutez la chanson qui a été composée sur une fille, un garçon. Après la peine, la misère qu'ils ont eu à se fréquenter, c'est son père et sa mère qui veulent les empêcher. Après la peine, la misère qu'ils ont eu à se fréquenter, c'est son père et sa mère qui veulent les empêcher. Seul j'étais chère, un autre s'est offert. À lui j'ai dû m'unir, pleurant à tes genoux. Je t'implorais ma mère, j'ai voulu obéir. Je n'ai plus qu'à mourir. Plus tard je l'ai revu au bras. Quel est ce bruit? D'où vient cet éclair rouge? L'horizon noir se colore de feu. Dans le village, aucune âme ne bouge. Mais le désastre est déjà fait, mon Dieu. Le rappeur québécois natif de Trois-Rivières, Sir Pathetic, sort un 11e album en carrière qui s'intitule « Prisonnier des mots ». L'artiste a gagné un prix à la disque en 2009 avec l'album « Avant que tu m'oublies » pour la catégorie « Album hip-hop de l'année » aussi. L'artiste a fait son entrée en chanson en 2000. Il est un des grands dans le monde du hip-hop. Pour avoir écouté la majorité de ses albums, Sir Pathetic revient à la base. Je veux dire par là, c'est que avec les albums Dixième Ronde et Toute qu'une histoire, avait été un brin différent parce qu'il y avait beaucoup de duos avec, mettons, Marie-Chantal Toupin, artistes québécois, ce qui était intéressant de voir, mettons, par rapport à peut-être ce qu'il faisait. Qui n'est pas nécessairement dans les hip-hop, là, tu sais, qui est allé chercher des artistes. C'est pour... ça. Fait que ça rendait peut-être les chansons un peu plus commerciales qui pouvaient aller comme chercher un plus grand auditoire. Mmh. Avec l'album Les prisonniers du démo. On redécouvre son côté joyeux ainsi que ses peines, ce qui rend les textes et les chansons encore plus profondes, ce qui fait en sorte que les gens peuvent s'associer et se reconnaître à travers ce qu'ils chantent ou ce qu'ils écrivent. Personnellement, pour ma part, j'ai bien aimé l'album. En voici quelques chansons. Jamais devoir partir, tu vis pour toujours en moi. La vie m'est obscure sans toi, bébé, ramassons les dégâts. Si triste que tu ne sois plus là, c'est sûr que je ferai vraiment ce qu'il faut pour toujours être dans tes bras. De l'amour, je serai ton soldat. J'ai besoin de toi, ne me quitte pas. C'est le que j'ai tant les bonnes raisons. Je suis rempli de remords pour toi et pour notre garçon. Je suis désolé. J'ai pas dit un bon chum. Et si parfois je t'ai fait broyer, je m'excuse pour toutes ces bouts moins folles. J'suis désolé. Si j'ai pas été cool tout le temps. Si parfois j'ai tout cassé, j't'aimais comme un malade. On avait aussi le très célèbre Joe Satriani qui sortait son album Unstoppable Momentum. Ceux qui connaissent Joe Satriani, c'est un guitariste hors pair, je dirais. Il est vraiment, il est très, très, très connu. Il a fait des duos aussi. Il a passé aussi dans l'histoire de Deep Purple. Il a fait quelques... Oui, oui, oui. Ben, en fait, ça fait, je vous dirais, facilement une bonne vingtaine d'années qu'il roule sa bosse. Fait que, étant donné qu'il est solo... Ben, puis que c'est uniquement un guitariste, souvent appelé à jouer en duo avec soit dans des shows, dans des albums, des collaborations. Évidemment, c'est un album qui a pas de paroles, c'est uniquement de la guitare. Pour les amateurs de guitare, c'est vraiment c'est à découvrir. C'est du bonbon. C'est écoute, moi je l'ai écouté puis pas d'avoir eu d'autres à écouter, là, s'il y aurait roulé en boucle, c'est sûr, là. Même si c'est uniquement de l'instrumental, là, ça vaut vraiment la peine. Ça paraît pas. Non, c'est ça, puis ça roule bien. C'est vraiment des chansons qui sont intéressantes à écouter. C'est pas... Il y a pas de longueur non plus. C'est ça, tu sais, c'est pas du gros métal, là, c'est ça. C'est vraiment, je dirais, soft rock, là. Ça vaut vraiment la peine. On va vous faire écouter quelques extraits, évidemment, instrumental, vous en jugerez par vous-même. Pour les la suite des nouveautés musicales, il y a aussi, dans le pop rock, David Bowie qui a sorti un album 1977-79, Zate. C'est un regroupé de 5 albums, dont 2 qui sont enregistrés live. Il y a aussi Patty Griffin qui sortait l'album American Kids, aussi disponible en version deluxe et format vinyle. Il y a aussi Natalie Main qui sort l'album Mother, Piano Guys qui sort l'album Two. On va avoir aussi Vampire Weekend avec l'album Vampire of the Modern City qui est aussi disponible en version vinyle. Il va avoir Pistol Annies qui est dans le style country avec l'album Annie Hop. Va avoir Summer avec Tombé du ciel qui est de style hip-hop québécois. Il va avoir aussi Chico et les Gypsies avec l'album And Friends qui va être dans le même style un peu que Musique du monde. Gypsy King, ça moi, se trouve ouais. à être un des chanteurs. Du côté des sorties DVD, on avait Tom Cruise qui nous arrivait avec Jack Reacher, qui est un film d'action, policier, crime, d'investigation aussi, oui. C'est l'histoire de Jack Reacher, évidemment, qui est un ancien de la police militaire, qui est à la retraite. Puis Jack Reacher, lui, il est introuvable. Lui a décidé que lui, il était libre, puis qu'il se libérait de tout... Cette accusation? Ben en fait, c'est que c'est un ancien investigateur de la police militaire. Okay. Puis il est à la retraite, mais il veut pas de compte à rendre à personne. Fait que il a pas de carte de crédit, il a pas de compte, il paye toutes ses affaires en chèque. Puis c'est des virements. Il peut pas se faire retrouver finalement. Là. Non, c'est ça. Lui, il veut vraiment, tu sais, il veut avoir la paix. Puis il n'y a aucun moyen de retrouver Jack Reacher, sauf si lui décide de vous retrouver. Le film commence, on voit une personne qui fait. Si je me souviens bien, c'est 5 ou 6 homicides qui semblent de sang-froid, là, sans aucune raison, là, qui tirent un peu au hasard. Puis, à qui la chance de se faire ben, c'est presque ça. Puis, y a, les policiers ne savent pas vraiment... ben, ils réussissent à avoir en fait, l'identité d'un suspect qu'ils vont arrêter. Sauf que c'est-à-dire, à son interrogatoire, il a écrit un mot à l'inspecteur qui l'interrogeait parce qu'il a pas dit un mot. Puis ce qu'il a écrit sur le mot, c'est Jack Reacher. Eux, sur le coup, ils savent pas c'est qui. Donc, ils font des recherches. Là, ils se rendent compte que c'est un ancien MP de l'armée. Puis que, justement, il n'y a aucun moyen de le rejoindre. Que le seul moyen, c'est que lui vienne te rejoindre. Lui te trouve. Puis... comme par hasard, ils cognent à leur porte. Puis, je viens pour celui qui est accusé. Là. Et tu parles de Nadon? Ils savent pas. Ben, c'est ça. Là, ils savent pas pourquoi que lui... au fur et à mesure du film, on apprend quel lien unit Jack Reacher puis celui-là. Je n'en dévoilerai pas trop pour pas faire de spoiler. Ben, en fait, c'est ça. C'est un bon film d'action. Je vous dirais que ça vaut la peine d'être vu pour ceux qui l'auraient pas vu encore. Ça réinvente pas la roue, par exemple. C'est une histoire qui est relativement je veux pas dire banale, mais tu sais qu'on voit régulièrement, c'est ça. Tu sais, il y a des quelques intrigues que on pourrait facilement deviner là sans trop se casser la tête. Donc tu sais c'est pas du déjà vu, mais c'est presque, tu sais. Tu te mets le cerveau à off, t'écoutes le film, puis ça passe comme un bon temps. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment eu du plaisir à l'écouter. Le film est quand même assez long, c'est 130 minutes, c'est 2h10. Prévoyez un bon 2h là, pour celui-là. Il n'y a pas vraiment de longueur non plus. On s'en rend pas compte. Non, c'est ça, tu sais. Tout ce qui arrive dans le film a une raison d'arriver, puis il n'y a pas d'histoire d'amour à travers tout ça non plus, puis il n'y a pas, ou peut-être très, très, très léger, là, mm-hmm. qui laisserait peut-être sous-entendre, mais sinon, là, c'est vraiment de l'action. L'action du début jusqu'à la fin. C'est ça. Donc, moi, pour moi, Jack Reacher, c'est à conseiller. Ça va être un achat pour à moi. Voir. Ouais. Oui. On y va avec maintenant le film Havre de paix, soit Safe Haven en anglais. C'est un film qui a été fait par le même directeur qui a produit Les pages de notre amour et Chad John. Et avec la même œuvre aussi, qui a été écrite par Nicholas Sparks. C'est l'histoire d'une jeune femme mystérieuse au nom de Cathy Philman, qui est jouée par Julianne Hough, arrive dans une petite ville de Southport, en Caroline du Nord, pour échapper à un terrible secret qui hante son passé. Elle se lie d'amitié avec sa nouvelle voisine, Joe, qui est interprétée par Kobe Smulders, et rencontre Alex Whitley, qui est joué par Josh Duhamel. Alex est le gérant d'un dépanneur et elle le rencontre, dans le fond, lui et ses enfants, Lexi et Josh, en allant faire des petites commissions et tout. La femme d'Alex, elle, est décédée suite à un cancer. Donc, au fur et à mesure que le film avance, Alex et Cathy tombent amoureux et de plus, les enfants l'apprécient. Fait que déjà là, en partant... C'est un bon point pour lui, ça, ouais. Tu sais, il y avait plus ou moins le goût de... D'avoir, de se remarquer dans d'autres choses. Exactement. Ouais. Puis en voyant, justement, ses enfants l'appréciaient, ben il se sent prêt à s'offrir un nouveau départ avec elle. Pendant ce temps, Kevin, un officier de police, lance des recherches afin de retrouver Cathy. Pour y venir à bout, il utilise son autorité de policier et envoie dans toutes les villes des rapports comme quoi elle serait une meurtrière recherchée. OK. Alex tombe sur cet avis en allant voir un de ses amis au poste de police et voit la photo et tout, fait que commence à paniquer, comprends-tu? Pour une fois que tu dis, OK, je veux partir une nouvelle vie. Fait là, il s'en va la voir, puis là, il demande des explications. Cathy lui explique le tout, et Alex promet donc de la protéger, peu importe ce qui va arriver. Là, je ne compterai pas la suite, elle va vous compter. Elle va vous donner ouais, c'est pause. Ça, on ne saura pas si c'est vrai ou pas. Non, c'est ça. Mais tu sais, à vrai dire, j'ai bien aimé ce film-là parce qu'on regarde la pochette du bon, c'est encore un petit film à l'eau de rose, un brin cucu, mais non, honnêtement, ça se déroule super bien. Il y a pas de trop d'amour, puis tu sais, tu restes sur un suspense, tu te demandes qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui se passe, puis ça, ils ont pas ciblé non, c'est ça. L'amour plus que le suspense, ils sont vraiment restés dans leur ligne. Exactement. Puis... Fait que tu sais, des fois, ça peut-être faire moins peur aux messieurs qui vont écouter ça avec leur chère dame. Bon, on va regarder ça. Dans les autres sorties DVD, on avait aussi dans le côté musical, il y avait Slayer, qui malheureusement, on a appris cette semaine que le guitariste était décédé. Il roulait sa bosse lui aussi depuis les débuts de Slayer. C'était un membre fondateur puis un gros pilier aussi. On savait que c'est depuis, je crois que c'était depuis 2 ans, il faisait plus de tournées avec le groupe parce qu'il était plus capable. Et à la suite d'une morsure d'une araignée, il y avait eu, je pense, la bactérie, mangeuse de chair ou quelque chose similaire. Donc, il était plus capable de jouer. Mais il restait dans le processus créatif du groupe. Il a toujours été membre du groupe, même s'il faisait plus les tournées avec eux autres. Donc, Slayer nous sort un DVD qui est Dead Skin 2002. On avait aussi Rihanna qui sort un DVD sur le 777 Tour. Qui a été fait quand même très récemment. Oui, oui, oui. On a Mama qui est un film d'horreur. On avait aussi la saison 5 et finale de Fringe. Pour ceux qui... La télésérie, oui, qui est un très gros succès. Fringe, c'est quelque chose qui marche vraiment beaucoup. Si vous connaissez pas, peut-être aller jeter un coup d'œil. Là. Apparemment que ça vaut vraiment la peine. Moi, je l'ai pas écouté, là, mais j'ai eu très bons commentaires sur Fringe. Puis, on avait aussi Monster Inc., puis Trouver Nemo qui sortent en version DVD uniquement. Donc, c'est tout pour cette semaine. Puis, on vous dit à la semaine prochaine. Bye-bye! Bye! Zone Mag vous est présenté par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans.